إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يعني il y a un bon bout de temps qu'on n'avait pas fait de durus parce que j'étais parti en voyage. J'étais parti en Arabie Saoudite. Donc j'ai fait la Umrah, alhamdulillah. J'ai fait la Umrah pour moi-même et j'ai fait la Umrah pour ma mère aussi qui est décédée, rahimahullah, le mois passé, au début du mois. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ses péchés et l'accepte dans son paradis. Donc alhamdulillah, on commence donc aujourd'hui avec le point numéro 111. Le point numéro 111, Al-Mas'alatul Hadiyata Ashara Ba'd al-Mi'ah. Et le titre de ce point dans Sharh Masa'il al-Jahiliya, c'est Al-Imanu bil-Batil. Donc parmi les questions qui ont rapport avec les questions de la Jahiliya et les manifestations de la religion des gens de la Jahiliya, c'est que il croit en qu'est-ce qui est faux. Il croit en la fausseté. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne à ce sujet-là, comme titre ou comme point, il dit Al-Imanu bil-Jibti wa Tahut. Al-Imanu bil-Jibti wa Tahut. C'est-à-dire le fait qu'il croit en la magie et qu'il croit au shaitan. Et donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce point-là en disant قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت والجبت قيل هو السحر وقيل الشيطان والطاغوت من تجاوز حدود الله وسبب نزول الآية أن اليهود الذين كانوا بالمدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عقد معهم المعاهدة على أن لا يقاتلوا المسلمين وأن يدافعوا عن المدينة من قصدها وأعطوا العهد على ذلك فلما ضاقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه ذرعا ورأوا أن الإسلام ينتصر وينمو ذهب سادتهم إلى قريش بمكة يستنجدون بهم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويريدون منهم أن يذهبوا معهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فألهم الله قريشا أن يسألوا هؤلاء وقالوا لهم أنتم أهل كتاب فأينا على الحق محمد أم نحن قالوا ماذا أنتم عليه قالوا نحن نكرم الضيف ونصل الأرحام ونسقي الحجيج وكذا وكذا أما محمد فإنه سب آلهتنا وعاب ديننا وخالف دين أجداده وقطع أرحامنا إلى آخره فقال لهم أنتم على الحق ومحمد صلى الله عليه وسلم على الباطل وهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق وهو رسول الله وأن هؤلاء عبدة أصنام أوثان فقال الله فيهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Donc le Cheikh explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 51 dans sourate An-Nisa, n'as-tu pas vu ceux-là à qui une partie du livre a été donnée, ajouter la foi à la magie, al-jibt, et au tarout. Donc al-jibt, le Cheikh il dit qu'on a dit à propos de al-jibt que c'est la magie, et on a dit aussi que c'est le shaytan, et le tarout c'est toute chose ou toute personne qui a dépassé la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la cause de la révélation de ce verset, le verset 51 dans sourate An-Nisa, c'est que les juifs, lorsqu'ils étaient à Médine, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra vers Al-Madina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une entente ou un pacte avec eux, une trêve. Et donc il a fait une trêve ou un pacte qu'il n'allait pas combattre les musulmans, que les juifs n'allaient pas combattre les musulmans, et qu'ils allaient défendre Médine. Ils allaient défendre Al-Madina contre quiconque voudrait l'attaquer. Et ils ont donné leur parole à ce sujet-là et ils ont pris l'entente avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur cette question. Mais lorsqu'ils ont commencé à avoir des problèmes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont commencé à se sentir mal vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans parce qu'ils ont vu que l'islam commence à avoir de plus en plus de victoires et que le nombre des musulmans commence à croître et à augmenter de plus en plus. Alors ils sont allés voir les responsables ou les chefs de Quraysh à Mecca pour se mettre avec eux contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils voulaient donc partir avec eux en guerre contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que Quraysh demande aux juifs la question suivante. Vous êtes des gens du livre. Donc les gens de Quraysh, qui sont des mouchriquins, qui adorent des idoles, ils demandent aux juifs. Vous êtes des gens du livre, vous avez reçu un livre. Lequel de nous deux est sur la vérité? C'est-à-dire lequel d'entre nous deux, entre nous, Yani et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est sur la vérité? Les gens de Quraysh veulent tester les juifs. Est-ce que ce sont nous qui sont sur la vérité ou bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Alors, les juifs ont demandé aux mouchriquins de Quraysh, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous pratiquez? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre religion? Il a dit, nous, yani, on honore notre invité quand on a un invité. Et on garde des liens de parenté. Et on abreuve les gens qui viennent pour faire le pèlerinage, ainsi de suite. En voulant dire, ils ont certaines valeurs ou certains principes qu'ils pratiquent. Et donc, ça, c'est les réponses qu'ils ont données. Et ils ont dit, en ce qui concerne Mohammed, lui, il insulte nos idoles, nos divinités. Et il critique notre religion. Et il a contredit la religion de ses ancêtres. Il a coupé les liens de parenté, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il critique le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les juifs ont répondu quoi? Ils ont répondu à Quraysh en disant, vous, c'est vous qui êtes sur la vérité. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sur le mensonge et sur la fausseté. Alors qu'ils savent très bien en réalité que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sur la vérité et qu'il est le messager d'Allah et que ceux-là sont des idolâtres, des gens qui adorent des idoles, que ce sont des mouchriquins qui adorent des statues et des idoles. Et le Cheikh il dit, فَقَالَ اللَّهُ فِيهِمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا وَلَاحِظُوا كَيْفَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ مَعَ أَنَّ الْأَمْرَ مُوَافَقَةٌ فَقَطْ فِي الظَّاهِرِ فَقَطْ سماه إيمانا فدل على أن الموافقة للكفار على ما هم عليه من غير إكراه إيمان بما هم عليه ولو لم يعتقد بقلبه. Donc le Cheikh explique, il dit que à partir de ce moment Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre donc ce verset au sujet des juifs, le verset 51 dans sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, n'as-tu pas vu ceux-là, c'est-à-dire les juifs, à qui une partie du livre a été donnée. Ajoutez foi en la magie et au tarot. Et dire en faveur de ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire en faveur de ceux qui sont les mouchrikoun de Quraysh, ceux-là sont mieux guidés sur le chemin que ceux qui ont cru. C'est-à-dire que les mouchrikoun sont mieux guidés que les musulmans. Donc ça, c'est un faux témoignage qu'ils ont donné. Et le cheikh, il dit, remarquez bien comme il faut, comment Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, à propos des juifs, qu'ils croient en Al-Jibt wa Tarut. Ils ont ajouté foi en la magie et au Tarut. En voulant dire que le simple fait d'avoir montré uniquement en apparence qu'ils étaient d'accord avec les mouchrikoun, Allah subhanahu wa ta'ala a nommé cela de la foi de leur part. Et donc ça, c'est la preuve que toute personne qui montre au kuffar qu'il est d'accord avec eux dans ce qu'ils suivent et dans ce qu'ils pratiquent sans être contraint, alors dans ce cas c'est considéré comme étant une foi en ce qu'ils pratiquent, hein? Même si dans son cœur il n'y croit pas vraiment, hein? Donc ça, c'est un point très important. Des fois il y a des gens qui disent, nous on ne pratique pas le kuff, on ne pratique pas le shirk, hein? On ne fait pas de shirk, on n'adore pas d'idole. Sauf que lorsqu'ils voient des gens qui font de l'idolâtrie, ou qui adorent des morts, ou des tombes, ou qui font d'autres actes de shirk et de kufr, ils montrent qu'ils sont d'accord avec ce qu'ils pratiquent. Et donc, le simple fait de montrer à ces gens-là, ou de leur dire que ce qu'ils font est bon, et qu'ils sont d'accord avec eux, alors ça, c'est considéré comme une sorte de foi en cette pratique. Même si ils n'y croient pas réellement dans son cœur. C'est comme ceux qui disent aux chrétiens, par exemple, qu'ils ont raison d'adorer Jésus ou de prier à Marie ou de mettre une croix et de croire en ce genre de choses. Donc s'ils montrent à ces gens-là qu'ils sont d'accord avec leur pratique, même s'ils n'y croient pas vraiment, c'est considéré comme une foi en ces choses-là de leur part. Ça, c'est un exemple. Et ensuite, le cheikh, il dit « وهناك أناس الآن يقولون إن الإنسان لا يكفر ولو قال الكفر حتى يعتقده بقلبه فلو قال كلام الكفر من غير إكراه وفعل أفعال الكفار وسب الله ورسوله وفعل ما فعل فإنه لا يكفر عند هؤلاء حتى يعلم ما في قلبه وهذا مذهب غلاة المرجئة نسأل الله العافية والسلامة فالله وصف هؤلاء بأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت مع أن ما حصل منهم هو موافقة في الظاهر وهم في قلوبهم يعتقدون أنهم خاطئون وأن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق ولكن حملهم الكبر والحسد وعداوة الرسول أن يوافقوهم في الظاهر وكفرهم الله بذلك وهذه دقيقة عظيمة من مسائل التكفير وفيها رد على من يقول لا يكفر الإنسان مهما قال ومهما فعل ومهما أتى من الكفر ولو سب الله ورسوله حتى يعلم أنه في قلبه يوافق على هذا الشيء نسأل الله العافية من هذا الضلال. Donc le cheikh, il dit qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'un individu n'est pas mécréant, même s'il dit une parole de kufr, jusqu'à ce qu'il croit en cette chose dans son cœur. Donc, il dit, le cheikh, que même si quelqu'un, hein, parmi ces gens-là, selon ce qu'ils prétendent, que si quelqu'un prononce une parole de kufr sans y être contraint, ou qu'il fait un acte parmi les actes des kuffars, comme par exemple d'insulter Allah et son messager, ou peu importe ce qu'il fait comme action, alors ils vont dire que celui-là, on ne peut pas le déclarer kafir jusqu'à ce qu'on sache qu'est-ce qu'il a dans son cœur et est-ce qu'il croit réellement à cela dans son cœur. Le cheikh, il dit que ça, c'est la voie et c'est la compréhension des extrémistes parmi les murji'a, parmi les gens de la secte des murji'a. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner, hein, de nous épargner de ce genre de compréhension et de ce genre de mauvaise compréhension. Le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit cela en disant qu'il croyait en Al-Jibt wa Tarut, hein, en la magie et en le Tarut, malgré que tout ce qui est arrivé de leur part, c'est une c'est de montrer leur accord ou de dire qu'ils étaient d'accord en apparence seulement. Hein? Alors que dans leur cœur, ils croyaient que c'était quelque chose de faux et d'erroné. Hein? Et ils croyaient que dans leur cœur, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est sur la vérité et non pas les mouchriquins de Quraysh. Mais à cause de leur orgueil, de leur jalousie et de leur haine contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont refusé d'admettre que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était sur la vérité et ils ont montré aux mouchriquins et aux kuffars qu'ils étaient d'accord avec eux en apparence. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a déclarés comme étant des kuffars à cause de cette approbation qu'ils ont montré ou cet accord qu'ils ont montré pour les mouchriquins de Quraysh. Et donc le cheikh il dit que ça c'est un petit point qui est subtil, hein, mais c'est un point très très important parmi les points qui ont rapport avec le takfir. Et il y a dans, donc, dans ce point là une réfutation de ceux qui disent aujourd'hui que peu importe ce qu'un individu peut dire ou peut faire, hein, une personne ne quitte pas la foi et ne sort pas de la foi, peu importe ce qu'il fait comme kufr, ou peu importe ce qu'il dit, même s'il insulte Allah et son messager, hein, jusqu'à ce qu'il ait cru en ce qu'il dit dans son cœur. Donc le cheikh, il clarifie donc ce point et il montre que ça c'est une erreur. C'est pas nécessaire, si on entend quelqu'un insulter Allah, insulter son messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas nécessaire de savoir est-ce que cette personne-là réellement croit en ça dans son cœur ou non. À moins que cet individu-là soit sous la contrainte. Alors là, s'il est sous la contrainte et qu'il insulte Allah et son messager dans ce cas-là, et qu'il croit dans son cœur réellement en Allah, mais qu'il l'a fait parce qu'il était forcé, parce qu'on l'a menacé de le tuer ou des choses de ce genre, alors là c'est bien entendu, il est excusé. Mais s'il n'est pas sous la contrainte et qu'il dit cette parole de kufr, hein, il insulte Allah, il insulte son messager, alors dans ce cas là bien entendu ce sera considéré comme quelque chose qui est kufr et qui fait sortir de la foi. Donc le cheikh il termine en disant Nas'Allah al-afiyah min hadha al-talal. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, hein, et de nous pardonner contre ce genre d'égarement. Ensuite, le point suivant, c'est le point numéro 12, al-mas'alatu thaniya, al-mas'alatu thaniya 10 ba'd al-mi'a, tafdiluhum al-kufr 'ala al-iman. Le fait que ces gens-là préfèrent la mécréance à la foi. Hein, les gens de la jahiliya, ils préfèrent la mécréance à la foi. Le cheikh il dit tafdilu din al-mushrikin 'ala al-muslimin. كما حصل الشيخ الفوزان explique que parce qu'il préfère la religion des mouchriquins à la religion des musulmans. Donc ça on le remarque encore aujourd'hui même, hein, de la part des kuffars. Mais aujourd'hui chez les gens qui se disent juifs ou chrétiens et qui prétendent suivre la voie d'Abraham et qui se disent croyants en Dieu, hein, et en un Dieu unique, et tu les vois qui préfèrent les religions des gens qui adorent des statues et des idoles comme les hindous ou les bouddhistes, hein, ou les athées, ils les préfèrent aux musulmans qui sont monothéistes et qui croient en un Dieu unique, hein. Donc ça c'est la preuve de leur mensonge. Le cheikh il explique, cheikh al-Fawzan il dit kama hasala min al-yahoud mimma jaa dhikruhu fil mas'alati as-sabiqa wa hadha yatanawal kull man faddala din al-kufr ala din al-muslimin aw sawa baynahuma. ومن ذلك الذين يحاولون التقريب بين الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام ويقولون كلها أديان سماوية يجب التآخي بين أصحابها والتعاون فيما بينهم. Donc le cheikh il dit, donc on a vu comment cela s'est produit de la part des juifs dans ce qu'on a mentionné dans le point précédent, c'est-à-dire que ils préféraient la religion des mouchriquins de Quraysh à la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'islam. Et ça, ça implique, le cheikh dit que ça implique toute personne qui préfère la religion du kufr à la religion des musulmans, ou qui essaie de créer une équivalence ou une égalité entre les deux. Hein? Comme ceux, par exemple, qui aujourd'hui essaient de faire un genre de rapprochement entre ce qu'ils disent entre ce qu'ils appellent les trois religions. Il nomme par exemple le judaïsme, le christianisme et l'islam, et ils disent, hein, que ces religions-là sont toutes des religions célestes et qu'il est obligatoire de de faire des liens de fraternité entre les croyants en ces trois religions-là et de collaborer entre qu'il y ait une collaboration entre eux, entre les gens de ces trois religions. Donc le cheikh, il montre et il clarifie que c'est une fausseté et que c'est une fausse idée. On n'a pas le droit de préférer la mécréance à la foi ou de considérer que la mécréance est équivalente à la foi. Ensuite, dans le point numéro 113, le cheikh il dit « Khaltul haqq bil batil liyuqbalul batil » c'est-à-dire de mélanger la vérité et le faux pour que le faux soit accepté. Hein? Donc le cheikh il explique ça, le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab il dit « L'absul haqq bil batil » ça fait partie aussi de la religion ou des voies des gens de la djahiliya, c'est qu'il recouvre la vérité par le faux. Et le cheikh Al-Fawzan il explique ça. Il dit min adati al-kuffar wa ahli al-jahiliya min al-yahud wa an-nasara wa ghayrihim labs al-haqq bil-batil. Al-labs huwa al-khalt. Fa hum yakhlutun al-haqq bil-batil min ajli an yurawwaj al-batil, li'annahu law kana al-batil wahdahu ma qabilahu ahad, walakin idha labisa ila idha لبس بالحق فإن الأغرار من المؤمنين وقاصر النظر يقبلونه ويقولون هذا فيه حق ويقبلونه كله. أما لو أنهم قبلوا الحق منه فقط وردوا الباطل كان حسنا، ولكن إذا قبلوه كله فهذا هو الخطأ. فالواجب على أهل النظر وأهل العقول السليمة أنهم لا يقبلون الأشياء على عواهنها، بل يمحصونها ويختبرونها، فيقبلون ما فيها من حق ويردون ما فيها من باطل. Donc le cheikh il dit que parmi les habitudes des kuffars et des gens de la jahiliya, parmi les juifs et les chrétiens et d'autres également, c'est qu'il mélange la vérité et le faux. Hein? Il recouvre la vérité de mensonges. Ou bien il recouvre les mensonges de vérité. C'est-à-dire, le cheikh il dit que al-labs, ça veut dire hein, de mélanger les choses. Hein? Al-labs, souvent on dit de recouvrir ou d'habiller. Hein? Et aussi, le cheikh il dit que ça signifie de mélanger, de confondre les choses. Donc, qu'est-ce qu'ils font les gens de la Jahiliya? Ils mélangent le faux et le vrai ensemble pour que les gens acceptent le mensonge et la fausseté, et pour que la fausseté soit propagée et diffusée. Le cheikh il dit que si le mensonge et la fausseté se tenaient toutes seules, personne ne l'accepterait. Hein? Toutefois, lorsqu'elle est mélangée avec un peu de vérité, alors beaucoup de gens, parmi les croyants qui ont un manque de connaissances ou qui se laissent tromper et qui analysent pas bien les choses, eh bien c'est possible de leur part qu'ils acceptent une partie du mensonge à cause de ce genre de confusion ou de ce genre de mélange. Le cheikh il dit parce que ces gens-là ils voient la vérité qui est mélangée avec, et ils se disent il y a un peu de vérité dedans, et donc ils l'acceptent en entier. Hein? Donc le cheikh il dit si ces gens-là acceptaient uniquement la vérité qui est dedans et qu'ils rejetaient le faux, alors ça ce serait quelque chose de correct et de bien. Hein? Mais l'erreur c'est qu'ils l'acceptent en entier et qu'ils le prennent au complet sans faire de distinction et sans séparer le vrai et le faux. Donc le cheikh il dit l'obligation aujourd'hui pour les gens qui ont un sens de l'observation et une raison qui est claire et nette, hein? Alors l'obligation pour eux c'est de ne pas accepter les choses telles quelles, mais plutôt de les analyser, de les disséquer, de les tester, et de n'accepter que ce qui est vrai dedans et de rejeter tout ce qui est faux, hein? Et ça c'est un point important. Qu'est-ce que le cheikh Al-Fawzan est en train d'expliquer? C'est très important. Et bien entendu, c'est pas tout le monde qui a les moyens et la capacité de faire ce genre de choses-là. Il y a beaucoup de musulmans qui sont incapables parce qu'ils n'ont pas les outils nécessaires ou parce qu'ils n'ont pas la connaissance nécessaire hein, ils ne sont pas capables de distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et donc souvent quand ils trouvent des idées, hein, ou des choses qui leur sont présentées, ils prennent le tout sans être capables de savoir qu'est-ce qui est vrai et faux. Donc il faut faire très attention. Et donc souvent on voit de la part des musulmans qui vont par exemple faire des études chez les koufars. Ils vont étudier par exemple des théories, des idéologies ou des, y aller dans les programmes d'éducation ou des programmes, hein, de psychologie ou autres, et ils vont prendre tout ce que les koufars ont écrit dans différentes thèses ou différents sujets, étant donné qu'ils n'ont pas une connaissance approfondie de la aqida de l'islam et des principes de la croyance islamique. Donc ils ne savent pas comment distinguer les idées qui sont en contradiction avec l'islam dans ce que les koufars enseignent dans ces choses-là. Et donc ils prennent le vrai et le faux ensemble et ils le mélangent. Et souvent on les retrouve par la suite rejeter des choses qui sont vraies et accepter des choses qui sont fausses et essayer de présenter ça aux gens comme si c'était la vérité. Donc, malheureusement, c'est pas le cas, mais comme on dit, Allah al-musta'an faqidu shay la yu'ti. Hein, Cheikh al-Albani il disait souvent ça. Celui qui ne possède pas quelque chose ne peut pas le donner. Donc celui qui n'a pas de science, il n'a pas de connaissance, eh bien, il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Le Cheikh il dit, Cheikh al-Fawzan il dit ensuite, fal kuffar qad yadhkurun al-haq la raghbatan fil haq wa la mahabbatan lahu wa innama yadhkurunahu min ajli tarwij al-batil bihi. والواجب التنبه لهذا الأمر وهو تمييز الأشياء وعدم التسرع في قبولها لما يظهر فيها من بريق الحق حتى تختبر وتمحص ويؤخذ ما فيها من حق ويرد ما فيها من باطل وهذا إنما يعلمه أهل العلم وأهل البصيرة أما العوام والجهال وقاصر النظر فينخدعون في مثل هذه الأمور وتنطلي عليهم ولكن الواجب عليهم أن يسألوا أهل العلم ويستشيروا أهل النظر قبل قبولها حتى يسلموا من التمويه. Donc ça c'est comme le cheikh, comme je disais, le cheikh il clarifie ça. Il dit donc les koufars aujourd'hui c'est possible qu'ils mentionnent des choses qui sont vraies, mais ils le mentionnent pas parce qu'ils aiment la vérité. Ils ne le mentionnent pas non plus par amour pour la vérité. Ils le mentionnent uniquement dans le but d'arriver à propager quelque chose de faux. Hein? Dans le sens que tu vas voir que les koufars vont dire dans un reportage ou dans quelque chose qu'ils ont écrit ou qu'ils ont filmé ou diffusé, tu vois que dans le reportage, il va y avoir 80% des choses qui sont vraies. Hein, et 20% qui sont fausses, des choses qui sont fausses. Le but pour eux dans le reportage, c'est pas de faire connaître le 80% de la vérité, parce que pour eux, ça n'a aucune importance. L'important pour eux, c'est de faire diffuser et de propager le petit 20% de mensonges qui est dedans, pour semer la confusion, pour semer la distraction, pour égarer les gens. Donc ça c'est quelque chose que souvent on fait pas attention à ça, on se laisse tromper, hein, par qu'est-ce que les koufars diffusent. Et des fois même, Allah musta'an, les musulmans diffusent des choses que les koufars ont fait, puis on réalise pas que dedans il y a du mal, mais à cause du petit bien qui est dedans, on se laisse avoir, puis on le diffuse pour eux, et en même temps on diffuse du mensonge. Hein? Donc le cheikh il dit c'est très important, c'est une obligation pour nous de faire très attention à ce genre de choses là et d'apprendre à distinguer et à discerner les choses et à ne pas se précipiter pour accepter quelque chose parce que elle semble avoir des éclats de vérité dedans, jusqu'à ce qu'on l'ait testé et qu'on l'ait analysé correctement. Hein? Là, on va prendre qu'est-ce qui est de vrai dedans, puis on va rejeter ce qui est faux. Hein? Et ça, justement, à ce point-là, c'est important de faire attention. Comme le cheikh, il dit, ça, c'est uniquement, il dit, ça, de prendre le vrai et de rejeter le faux, c'est uniquement les hommes de science et les gens qui ont la compréhension qui sont capables de faire ce genre de choses-là. C'est-à-dire de trier et d'analyser et de séparer entre le vrai et le faux. En ce qui concerne les musulmans, le commun des musulmans et les gens qui n'ont pas de science, hein, les ignorants, et qui, ceux qui ont une faible capacité d'analyse, alors ceux-là, souvent ils se laissent tromper par ce genre de choses-là. Et ils se laissent tromper et ils tombent dans le piège. Hein? Donc c'est pour ça que le cheikh dit c'est obligatoire pour ce genre de, pour cette catégorie-là, de demander à ceux qui possèdent la science et de chercher le conseil et de consulter les hommes de science et de savoir avant de les accepter, jusqu'à ce que on ait analysé, jusqu'à ce que les hommes de science nous aient analysé la chose pour nous dire qu'est-ce qui est de bon, qu'est-ce qui est bon dedans et qu'est-ce qui est mauvais, pour qu'on puisse accepter que ce qui est bien dedans. D'accord? Donc ça c'est quelque chose de très important. Il y a des gens aujourd'hui qui appellent les musulmans justement à prendre tout, à ne critiquer rien, à ne critiquer personne, à ne juger personne, et à dire bon, tout le monde a du bon, donc prenez de tout le monde. Ça c'est une grave erreur. Si les gens commencent à agir de cette manière, eh bien c'est très facile par la suite pour eux de se laisser tromper, de se laisser égarer. Donc alhamdoulillah, qu'est-ce qu'on fait? On retourne aux ulama et on leur demande. Quand il y a des confusions, quand il y a des choses qui ne sont pas claires, on demande à ceux qui ont de la science pour qu'ils clarifient pour nous ce qui est vrai et ce qui est faux. En ce qui concerne ceux qui ont du ilm, ceux qui ont étudié, ceux qui ont des bases solides dans la science, hein, qui ont atteint un certain degré de connaissance de la religion, eux, ils sont capables d'aller directement et de discerner, de disséquer qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Mais les gens ordinaires, les gens du commun, hein, eh bien ceux-là doivent retourner au ulama, demander conseil. Ensuite, le point numéro 114. Kitmanul haqq ma'al ilmi bihi. C'est-à-dire de cacher la vérité tout en ayant une connaissance de cette vérité-là. Kitmanul haqq ma'al ilmi bihi. Cache la vérité alors que tu la connais. Le cheikh il dit wa min masa'il al jahiliya, cheikh al fawzan il dit wa min masa'il al jahiliya min al yahudi wal nasara wal wathaniyin wa ghayrihim min tawa'if al kufr kitman al haqq ma' al ilm bihi wa hadha yadhharu fi ahli al kitab min al yahudi wal nasara akthar fa innahum ya'lamun al haqq walakinahum yaktumunah wa la يبينونه للناس من أجل مصالحهم الدنيوية أو من أجل إرضاء الناس وأعظم الكتمان أنهم علموا أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وعلموا صحة رسالته وما جاء به ومع هذا كتموا ذلك وأنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في مواضع من القرآن ومن ذلك قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Donc le cheikh il dit que parmi les questions de la jahiliya, hein, parmi les exemples de ce que font les juifs, les chrétiens et les idolâtres, et d'autres également parmi les groupes de kufr, c'est qu'ils cachent la vérité alors qu'ils la connaissent. Et ça, c'est très apparent, et en particulier chez les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ça c'est encore plus apparent de leur part, parce qu'ils connaissent la vérité, mais ils la cachent. Hein? Ils ne la clarifient pas pour les gens. Pourquoi? À cause de leurs intérêts dans les questions de la dunya. Ils veulent profiter des gens. Ils veulent profiter de qu'est-ce qu'ils ont dans la dunya à cause de du fait que les gens les suivent, hein, dans leur ignorance et dans leur mécréance. Donc, s'ils reconnaissent, s'ils disent aux gens que la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est la vérité, automatiquement les gens vont les laisser. Ils vont cesser de les suivre. Donc, ils vont perdre leur importance, ils vont perdre leur privilège, et donc ils refusent d'admettre, d'accepter la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ça, malgré qu'ils connaissent la vérité à ce sujet-là. Et le cheikh il dit, hein, ils font ça soit pour les choses de la dunya ou bien également pour faire plaisir aux gens, pour les satisfaire. Ça on le voit souvent de leur part, hein, parce que les juifs et les chrétiens, ils changent régulièrement les aspects de leur religion et ils réinterprètent constamment leur religion à chaque siècle pour faire plaisir, yani, aux gens qui pratiquent ces religions-là. Attendez un instant. Donc le cheikh il dit, et par exemple, parmi les exemples, parmi les plus grands exemples du fait de cacher la vérité, il y a le fait qu'ils connaissent les caractéristiques et les descriptions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah et dans l'Injil. Et ils savent également la véracité de son message et de ce qu'il a amené. Et malgré ça, ils cachent, hein, cette connaissance. Et ils rejettent le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela dans le Coran, dans plusieurs versets. Et parmi les versets justement qui mentionnent cet exemple-là, le verset 146 et 147 dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ceux à qui nous avons donné le livre, ils le connaissent comme ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leur propre fils. C'est-à-dire, ils reconnaissent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ils reconnaissent leur propre fils, et une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils savent, et la vérité vient de ton Seigneur. La vérité vient de ton Seigneur, alors ne sois pas du nombre de ceux qui doutent. Et donc, le cheikh il dit, وفي هذه الآية وهذه الآية في سياق تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون قبلته الكعبة المشرفة قبلة إبراهيم عليه السلام يعلمون هذا في كتبهم ومع هذا أنكروا تحويل القبلة وكتموا ما عندهم من العلم في ذلك. يعني الشيخ il dit, et ce verset, le verset 146 et 147 dans Surat Al-Baqarah qu'on vient de mentionner, il a été mentionné dans le contexte de la Qibla lorsqu'elle a été changée de Bayt al-Maqdis vers la Kaaba al-Musharrafa. Donc le cheikh il dit que les gens du livre, ils savent que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aura comme Qibla la Kaaba, hein, et que c'est la Qibla de Ibrahim alayhi salam, et ils savent parce que cela est mentionné dans leur livre, et malgré cela ils rejettent le changement de la Qibla, hein, وَكَتَمُوا مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ, et ils ont essayé de cacher ce qu'ils possédaient comme science à ce sujet-là. Et justement, yani, étant donné que j'étais en Arabie Saoudite le mois passé, j'ai assisté à un des durous du Cheikh Ubayd al-Jabiri, et le Cheikh il mentionnait justement à propos de la Qibla, il disait que c'était la Qibla de tous les prophètes, et non pas la Qibla du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uniquement, ou de celle d'Ibrahim. Il dit que c'était la Qibla de tous les prophètes, et que les gens du livre le savaient. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Ils savent que c'est la vraie Qibla, mais ils ne veulent pas l'admettre. Ensuite, le Cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il dit, وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ كَتَمَ حَقًّا وهو يعلمه من غير اليهود والنصارى حتى من المسلمين من كتم الحق ولم يبينه للناس فإنه على طريقة اليهود والنصارى. Donc le cheikh il dit que de même que toute personne qui cache la vérité alors qu'il la connaît, même s'il ne fait pas partie des juifs et des chrétiens, donc dans ce cas-là, du moment qu'il ne clarifie pas la vérité qu'il connaît, alors il est sur la voie des juifs et des chrétiens à ce sujet-là, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset suivant, qui est le verset 187 dans Surat Al-Imran. لشيخ الذي وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Donc le cheikh explique, il dit que donc même si ce sont des musulmans et qu'ils cachent la vérité, même s'ils ne font pas partie des juifs et des chrétiens, eh bien on dit à leur sujet qu'ils sont sur la voie des juifs et des chrétiens du fait qu'ils cachent la vérité alors qu'ils la connaissent. Et ils mentionnent donc le verset 187 dans Sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala prit le pacte de ceux, avec ceux qui ont reçu le livre de, que vous allez clarifier la vérité pour les hommes et que vous n'allez pas la cacher. Alors ils l'ont jeté derrière leur dos et ils l'ont vendu pour un vil prix. Et il mentionne ensuite dans le verset 159 et 160 dans Surat Al-Baqarah que Allah subhanahu wa ta'ala dit et ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre comme preuve claire et comme guidance après que nous l'ayons clarifié pour les hommes dans le livre, alors ceux-là seront maudits par Allah et ils seront maudits par ceux qui maudissent, excepté ceux d'entre eux qui se repentent, qui se réforment et qui clarifient. Alors ceux-là, j'accepterai leur repentance et je suis celui qui accepte la repentance et qui est miséricordieux. Donc ça c'est le verset 159 et 160 dans Sourate Al-Baqarah, l'explication de ces versets. Tout ça, c'est pour dire que ceux qui cachent la vérité, eh bien, ils auront cette menace. Ils ont cette menace parmi les musulmans. Même s'ils font partie des musulmans et qu'ils ne font pas partie des gens du livre, ils auront le même sort que les gens du livre qui cachent la vérité. Le shaykh, il dit, « Shartun fi qaboul tawbatihim al-bayan lima katamu. Fala takfi at-tawba al-mujmala. Walakin la budda min al-bayan. » فيجب على من علم الحق أن يبينه للناس ولا يشتري به ثمنا قليلا فيكتمه من أجل أن يحصل على مصلحة من مصالح الدنيا أو من أجل أن يرضي الناس فالله أحق أن يخشاه عز وجل وأن يرضيه فلا يجوز كتمان الحق لمن قدر على بيانه وإظهاره أما من لم يقدر أو يخاف بالبيان فتنة أكبر فإنه معذور ولكن من لم يكن عنده مانع من البيان وإنما كتم الحق من أجل رغبته هو ومصلحته هو فهذا يلعنه الله ويلعنه اللاعنون. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique ici, c'est quelque chose de très sévère, très sérieux en réalité, si on prend le temps d'y réfléchir, et en particulier pour nous les musulmans, et en particulier pour certains d'entre nous, en particulier qui travaillent dans la da'wa et enseignent l'islam aux gens et parlent au nom de l'islam et au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et au nom de sa religion. Ça c'est très très sérieux et c'est quelque chose qu'on doit toujours prendre en considération. Le cheikh dit que une des conditions donc pour que Allah accepte la repentance de ceux qui ont caché la vérité et qui ont caché la vérité, qui ne l'ont pas montré aux gens, pour que Allah accepte leur repentance. Et souvent les ulama ils mentionnent cette condition là par rapport à la repentance de l'innovateur aussi, la personne qui justement est tombé dans une bid'a ou qui enseigne une bid'a, qui appelle à une bid'a. Une des conditions justement, c'est qu'il clarifie ce qu'il a caché et ce qu'il a camouflé de la religion. C'est pas suffisant de seulement faire une repentance comme ça vague, Hein? Non, il faut qu'il clarifie ce qu'il a camouflé et ce qu'il a caché de la religion. Donc ça, on retrouve souvent ce problème lorsque certains individus qui enseignent l'islam ou qui parlent de l'islam ont fait des erreurs en appelant à des choses qui sont contraires au Coran et à la Sunna, et qui ont des opinions, des idées qui contredisent le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs salih. Hein, lorsque on a montré leurs erreurs et leur fausseté, et qu'on a averti contre ce qu'ils font, souvent ils vont admettre, par exemple, ou ils vont dire: oui, c'est vrai, on a fait une erreur à ce sujet là et donc les gens espèrent, ou certains individus espèrent par la suite, que on accepte de la repentance automatiquement et qu'on les excuse. Et souvent c'est seulement que la personne a dit: ah oui, j'ai fait une erreur, je reconnais que j'ai fait une erreur. Mais ça, c'est pas, bien entendu, c'est pas suffisant. Il faut que les choses soient clarifiées, comme le cheikh il l'explique ici. C'est pas juste une simple repentance que tu demandes pardon entre toi et Allah puis que c'est fini. Non, là, dans des cas comme ça, comme le cheikh explique, il faut qu'il y ait une clarification. Et le cheikh il dit donc: فَيَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ الْحَقِّ أَنْ يُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ. Donc, il faut que c'est obligatoire pour la personne qui a connu la vérité qu'elle la clarifie pour les gens. Et il ne doit pas la vendre à un vil prix. Hein? Parce que des fois, il y a des gens qui cachent la vérité, comme le cheikh dit, il y a des gens qui cachent la vérité pour arriver à obtenir par la suite un bienfait parmi les bienfaits de la dunya. Ou pour arriver à satisfaire certains individus, hein, et pour leur faire plaisir. Comme certains qui, par exemple, vont cacher certaines informations ou certaines connaissances au sujet de l'islam pour plaire à certains individus, soit des koufars ou soit des pervers ou des pécheurs. Ils vont leur dire ce qu'ils veulent entendre de la religion pour qu'ils soient contents. Hein? Comme ceux, par exemple, de ces temps-ci qui mentent à propos de l'islam à la télévision ou dans les émissions de radio ou dans les médias, pour que les koufars soient satisfaits d'eux et pour que les koufars les élèvent au-dessus des autres. Alors ils vont nier certaines choses qui font partie de l'islam, ou ils vont affirmer des choses qui ne font pas partie de l'islam pour que les koufars soient contents. Donc ça, c'est un exemple d'attitude qui est vraiment dangereuse. Et le cheikh il dit: Allah mérite le plus d'être craint, et il mérite également le plus d'être celui qu'on veut satisfaire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala mérite plus qu'on le craigne que les koufars. Donc si tu dis: mais j'ai peur que les koufars me fassent un tort si je dis la vérité, eh bien sache que Allah mérite plus d'être craint que les koufars. Et si tu dis: je veux que ces gens-là soient satisfaits de moi, dis-toi: Allah subhanahu wa ta'ala mérite plus, hein, qu'ils soient satisfaits de toi, que, c'est-à-dire, Allah mérite plus que tu cherches à le satisfaire que les koufars. Et donc, ça c'est une fitna, en réalité, c'est une épreuve, hein, c'est une grande épreuve, une grande fitna pour le mu'min, et en particulier pour le da'ya, la personne qui enseigne l'islam et qui parle de la religion d'Allah. Et on demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre ce genre de fitan, et également de nous raffermir dans notre foi si jamais on est mis à l'épreuve dans ce genre de situation et qu'on doit faire face à ce genre de position, et qu'on ait la bonne attitude face à ça. Ensuite, le cheikh il dit: نعم فلا يجوز كتمان الحق لمن قدر على بيانه وإظهاره. Donc il dit, le cheikh, qu'il n'est pas permis de cacher la vérité pour celui qui a la capacité de la clarifier et de la montrer. Hein? Donc toi, tu as la capacité de dire la vérité et tu as la capacité de montrer la vérité, de la clarifier aux gens. Alors clarifie et explique et montre aux gens. Mais si, le cheikh il dit, mais si tu ne peux pas, tu n'as pas la capacité de la clarifier, de la montrer aux gens, le cheikh il dit, soit parce que tu crains que en clarifiant cette vérité-là, tu vas avoir une plus grande fitna, alors dans ce cas-là, tu seras excusé. Donc si, par exemple, lorsque tu vas clarifier la vérité, tu vois que ça va amener une fitna plus grande et que ça va ramener des répercussions plus grandes et qui sont mauvaises pour l'islam ou pour la da'wa ou des choses de ce genre, alors dans ce cas-là tu seras excusé. Hein? Mais le cheikh dit walakin man lam yakun indahu mani', celui qui n'a pas d'empêchement de clarifier la vérité, hein? Celui qui n'a pas d'empêchement de clarifier la vérité, mais qui cache la vérité uniquement parce qu'il le veut lui ou pour ses intérêts à lui, alors celui-là, Allah va le maudire. Et tous ceux qui maudissent également le maudiront. Donc ça, c'est une menace très grande et très sévère. Et al-la'na, quand on dit que Allah maudit quelqu'un, qu'il lui envoie sa la'na, sa malédiction, al-la'na, ça veut dire at-tardu an rahmatillah. C'est-à-dire que quelqu'un sera chassé de la miséricorde d'Allah, repoussé de la miséricorde d'Allah. Et donc ça, c'est quelque chose de très sévère et de très dangereux en même temps. Ensuite, le cheikh, il dit, na'am. Ensuite, le cheikh, il dit, wa ashaddu min dhalik, non, wa hadhihi sifatul yahoud, wa hiya منطبقة على كل من كتم الحق من أجل اتباع الهوى ولم يبينه للناس. وإذا سئل عن حكم مسألة أجاب بغير الحق وهو يعرف الجواب الصحيح فهذا من كتمان الحق. والله جل وعلا أمر بقول الحق ولو على النفس. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فيجب بيان الحق في الشهادات وفي غيرها. Donc, le cheikh il dit, ça c'est la caractéristique des juifs. Hein? C'est la caractéristique des juifs. C'est-à-dire que quand ils ont un intérêt, ou quand ils craignent, ou quand ils veulent quelque chose de quelqu'un, ou qu'ils veulent faire plaisir à quelqu'un, ils vont mentir. Ils vont cacher la vérité. Donc, le cheikh il dit ça, c'est la caractéristique des juifs. Mais elle s'applique à toute autre personne qui cache la vérité également, hein, dans le but de suivre sa passion. Il ne la clarifie pas la vérité aux gens ou pour les gens. Et lorsqu'on lui pose la question au sujet d'un sujet dans l'islam ou d'un sujet dans la religion, il répond par autre que la vérité, alors qu'il connaît la vraie réponse. Alors ça fait partie de cacher la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de dire la vérité, même quand c'est contre nous-mêmes, hein? Même si ça aura des répercussions négatives contre soi-même. Et il dit ça dans le verset 135, dans Surat An-Nisa, كُنُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. Souvent des fois on a, hein, comme Allah il dit, soyez des témoins qui se tiennent fermement dans la justice pour Allah, même si ce sera contre, même si c'est contre vous-même ou contre vos parents ou vos proches, hein? Même si ça aura des répercussions contre vous-même, contre vos parents, contre vos proches, dites la vérité et soyez des témoins justes. Tenez-vous dans la justice pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour plaire à Allah, hein? Et pour l'agrément d'Allah. Des fois, hein, on a des gens comme ça. Malheureusement, quand par exemple, ils sont questionnés sur la religion, ou sur des questions de la religion, ils vont cacher la vérité. Des fois, ils disent, si je dis la vérité au sujet de cette question, peut-être que des gens vont fuir, ou vont pas vouloir entendre la position de l'islam à ce sujet-là, et donc ils vont pas vouloir accepter l'islam à cause de ça, donc ils décident de changer la chose, et de l'interpréter à leur propre manière pour soi-disant que ce soit une belle image de l'islam comme eux ils s'imaginent. Mais le problème là-dedans, c'est qu'en faisant ça, en agissant ainsi, tu déformes la réalité de l'islam. Et en déformant la réalité de l'islam, tu fais que la personne qui est réellement à la quête de la vérité, eh bien lui, il va en être détourné à cause de toi. Parce que quelqu'un peut s'imaginer que, par exemple, je donne juste un exemple. Les koufars, en général, quand on leur parle de polygamie, ils ne sont pas d'accord. Il y en a qui n'aiment pas qu'on dise que la polygamie est quelque chose de permis en islam. Donc, un individu qui se pense intelligent et qui pense qu'il fait la da'wah avec sagesse, quand un kafir lui demande « Est-ce que c'est permis dans l'islam la polygamie ?» Lui, il répond quoi ? Il répond « Oh, mais en réalité, non, c'est interdit la polygamie dans l'islam. » Il dit ça pourquoi ? Il dit ça pour faire plaisir aux kuffars. Et il pense qu'il est sage en disant ça, et il pense qu'il va faire aimer aux kuffars l'islam, et que ça va faire en sorte que des kuffars se rapprochent de la religion et qu'ils rentrent dans la religion. Sauf que cet individu-là, lui, il ne fait pas partie de cette majorité qui, par exemple, veulent entendre que, par exemple, la polygamie, ce n'est pas permis. Lui, il fait partie d'une minorité de gens parmi les koufars qui sont sincères et qui veulent uniquement entendre la vérité qui vient d'Allah et s'y soumettre et l'accepter du moment qu'ils l'entendent. Alors toi, tu t'es pensé intelligent en déformant la vérité et en mentant à propos d'Allah et de son messager, et là tu lui as répondu que c'était pas permis, alors que lui, il était d'accord avec ça. Il comprenait la sagesse qui était derrière et il était prêt à l'accepter. Mais en voyant que tu as menti et que tu as déformé la réalité à propos de l'islam, il a dit, si c'est comme ça, alors dans ce cas-là, ça veut dire que ces gens-là, ils ne sont pas des gens intègres. Ce ne sont pas des gens qui disent la vérité à propos de la religion d'Allah. Donc, je ne vais pas l'accepter. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens parmi les koufars qui cherchaient l'islam et qui ont trouvé dans les livres beaucoup d'informations sur l'islam. Et quand ils sont devenus musulmans, ils sont rentrés dans l'islam avec des groupes d'individus qui déforment la réalité. Et à cause de ça, ils ont été dégoûtés de leur comportement et de leur attitude. Et ils ont dit, vous êtes des gens qui mentez à propos du Coran et de la Sunna. Et si c'est ça être musulman, ou si c'est ça suivre l'islam, alors je suis pas intéressé. Et après ça, ils ont quitté l'islam. Et c'est arrivé à un individu justement que je connais, qui a accepté l'islam et qui est rentré justement avec cette catégorie d'individus qui déforme la réalité de l'islam. Il a commencé même à être déçu et il a même pensé à un moment donné à quitter l'islam. Puis par la suite, il a entendu des frères qui expliquaient l'islam et qui suivent le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf salih. Et là, il a dit, maintenant, j'ai retrouvé la raison pour laquelle j'avais accepté l'islam au début dans les clarifications et les explications des ulama de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Donc, il a su que parmi les musulmans, il y a un groupe et il y a une catégorie de gens qui disent la vérité à propos d'Allah et à propos de son messager et qui clarifient le haq. Et donc, à cause de ça, il a retrouvé la confiance et la foi qu'il avait au tout début lorsqu'il a accepté l'islam. Et donc c'est important de ne pas essayer de déformer la réalité et de ne pas nier les choses de la religion pour faire plaisir à un individu quelconque ou pour plaire à un individu quelconque. Peu importe, qu'est-ce qui peut arriver comme par exemple conséquence par la suite. Bien entendu, alhamdoulilah, il faut toujours se référer aux ulama de l'islam et clarifier les choses telles que les ulama de l'islam nous ont enseigné les choses, et non pas faire nos propres interprétations et commencer à essayer de dire les choses d'une manière qui est contraire à la vérité, comme certains extrémistes parfois qui tombent dans des exemples de rouleaux et qui disent des choses qui sont fausses devant les koufars parce qu'ils pensent qu'il est fort et qu'il est courageux, et ils tombent dans l'égarement et ils salient l'image de l'islam parce qu'ils déforment la réalité de la religion à cause de son ignorance. Donc, alhamdulillah, le cheikh dit, « Fayajibu bayan al-haq fi shahadat ou fi ghayriha. » Donc, le cheikh dit, c'est obligatoire de clarifier la vérité dans les témoignages et dans d'autres choses, et en particulier dans qu'est-ce qui a rapport avec la religion. Le cheikh dit, « Wa ashaddu min kitman al-shahada, kitman al-ilm. Kitman al-ilm, alladhi huwa hayatu al-nas, wa hidayatuhum ila al-sirat al-mustaqim. فالواجب بيان الحق وعدم المداهنة ومن ذلك إذا رأى الناس على باطل أو خرافات أو شرك فإنه لا يسكت بل يجب عليه أن يبين ولا يترك الناس يقعون في عبادة القبور وعبادة الأضرحة ومزاولة البدع المضلة ويسكت ويقول ليس لي شأن بالناس أو يرى الناس يتعاملون في المعاملات المحرمة ويسكت. فهذا كتمان للعلم وخيانة للنصيحة. فالله لم يعطيك هذا العلم من أجل أن تسكت عليه، وإنما حملك إياه من أجل أن تبينه للناس وأن تدعو إلى الله على بصيرة، وأن تحاول إخراج الناس من الظلمات إلى النور. Donc, Cheikh il dit, est plus grave encore que de faire de cacher le témoignage, c'est de cacher la science. Hein? Parce que la science, c'est qu'est-ce qui fait vivre les hommes et qu'est-ce qui les guide au droit chemin. Donc, c'est obligatoire de clarifier la vérité et de ne pas faire de compromis et de transiger par rapport à la vérité. Le Cheikh il dit, et donc, parmi les exemples de ça, il y a le fait que lorsque tu vois des gens qui sont sur une fausseté ou qui pratiquent des superstitions ou du shirk, alors tu ne dois pas te taire à ce sujet-là. Il est obligatoire de clarifier cette vérité-là et de ne pas laisser les gens, par exemple, tomber dans l'adoration des tombes, commencer à adorer les tombeaux, commencer à faire toutes sortes d'innovations et de bid'ah qui égarent les gens, et tu te tais. Tu dis, ah, mais moi je ne m'occupe pas des gens, ce n'est pas mes affaires. Hein? Et tu les vois en train de faire des transactions qui sont interdites, et tu te tais, tu dis rien à ce sujet-là. Ça fait partie de cacher la science, et c'est une forme de trahison par rapport à la nasiha. C'est une forme de trahison, parce que tu n'as pas montré la vérité aux gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'a pas donné la science pour que tu te taises à son sujet. Il t'a uniquement donné cette science pour que tu la portes, hein, et que tu la clarifies pour les hommes, et pour que tu appelles à Allah subhanahu wa ta'ala avec compréhension pour essayer de faire sortir les hommes des ténèbres vers la lumière. فلا يسر للعلماء أن يسكتوا وهم يقدرون على البيان ولا سيما إذا رأوا الناس في ضلال وشرك وبدع وخرافات فلا يسعهم السكوت فإن سكتوا فإن هذا من كتل علم الذي عاب الله به اليهود والنصارى فكيف إذا قال بخلاف الحق وهو يعلمه وأفتى بخلافه متعمدا من أجل إرضاء الناس أو من أجل تمشية الأمور أو من أجل أن يساير الناس على ما هم عليه فالحق أحق أن يتبع فأنت ترضي الله ولا ترضي الناس وهم على باطل لا ترضي الناس وهم على باطل وفي الحديث في الحديث من التمس رضا الله بصخرة الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بصخرة الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. Le Cheikh il dit donc qu'il n'est pas correct, n'est pas permis, il n'est pas acceptable que les ulama se taisent alors qu'ils ont la capacité de clarifier. En particulier lorsqu'ils voient les hommes dans l'égarement, dans le shirk, dans les bid'ahs, dans les superstitions. Ils ne peuvent pas se permettre de se taire devant ce genre de choses. Et s'ils se taisent, alors cela fait partie du fait de cacher la science. Et ça, c'est de cela que Allah subhanahu wa ta'ala s'est plaint des juifs et des chrétiens. Et c'est de ça qu'il les a blâmés. Alors comment on peut accepter ce genre de comportement? Et le Cheikh il dit, et ça c'est dans le cas où il cache la vérité. Alors que dire de celui qui dit le contraire de la vérité alors qu'il le sait, et qui fait une fatwa contraire à la vérité intentionnellement et volontairement dans le but de faire plaisir aux hommes ou dans le but de faire marcher les affaires, comme on dit, pour pas faire, tu dis, ah, mais je veux pas faire de problème, ou je veux, pour que les gens soit satisfait, ou bien pour que les choses, hein, les affaires fonctionnent, comme on dit. Ou bien pour aller dans le sens de la société, pour aller avec les gens. Tout le monde fait ça, ok, bon, on va le permettre, on va laisser passer. Le cheikh, il dit non, la vérité mérite plus d'être suivie. Et donc, le cheikh, il dit, toi, tu veux quoi? Tu veux l'agrément d'Allah. Et tu veux faire plaisir à Allah. Hein? Tu ne veux pas faire plaisir aux hommes, alors qu'ils sont sur qu'est-ce qui est faux. Hein? Tu ne veux pas faire plaisir aux hommes, alors qu'ils sont sur qu'est-ce qui est faux. Et ça, c'est l'attitude, malheureusement, qu'on retrouve aujourd'hui, de la part de plusieurs, et en particulier chez les gens de Bid'a. Hein? Qu'ils font des fatwas pour faire plaisir aux gens. Il y a des takfiriyin, ils critiquent les gens qui suivent la sunna parce que les gens de la sunna ne parlent pas contre les dirigeants. Et eux, ils veulent qu'on fasse des fatwas ou qu'on dise des choses contre les dirigeants pour faire plaisir à la masse. Donc eux, leur intérêt c'est quoi? De faire plaisir à la masse. Eh bien, ça aussi c'est pas correct. Quand on dit de pas chercher l'agrément des hommes, c'est pas seulement, on parle pas seulement du fait que on veut chercher l'agrément des dirigeants. Il y a aussi les gens qui cherchent l'agrément de la population, de la masse. Il y a des gens qui font des fatwas pour faire plaisir aux jeunes en leur disant que la musique elle est halal ou que les choses qui sont haram sont halal pour que les jeunes les acceptent et pour qu'ils aient une popularité. Donc, hein, nous, alhamdulillah, les ulama d'Ahl al-Sunnah, ils ne font pas de fatwa pour faire plaisir à la masse et à la population, tout comme ils ne font pas de fatwa pour faire plaisir à ceux qui dirigent lorsque c'est contraire à la vérité. Alhamdulillah, ils sont sincères avec la masse comme ils sont sincères avec les dirigeants, parce qu'ils savent que devant eux il y a Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils auront des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe pour qui, hein, pour qui ou de la part de qui ils sont questionnés par rapport à leur religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi tu veux plaire à Allah, tu ne veux pas plaire aux hommes alors que tu les vois sur la fausseté. Le cheikh il mentionne un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, qui a été authentifié par Cheikh al-Albani dans Sahih al-Jami', le hadith numéro 6097. Celui qui recherche l'agrément d'Allah, hein, dans ce qui rend les hommes en colère, alors Allah sera satisfait de lui et il fera que les hommes soient satisfaits de lui également. Et celui qui recherche l'agrément des hommes dans ce qui met Allah subhanahu wa ta'ala en colère, alors Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère contre lui et il fera également que les hommes seront en colère contre lui également. Donc ça c'est une menace sévère et dangereuse pour toute personne qui aurait ce genre de comportement ou ce genre d'attitude. Ensuite, dans le point numéro 115, le cheikh il dit « Al-qawlu ala Allah bi ghayri ilm ». C'est-à-dire que parmi les gens de la jahiliya, parmi leurs principes ou leurs règles, c'est qu'ils parlent à propos d'Allah sans science. Et le cheikh il dit « Qa'idatu dhalal wa hiya al-qawlu ala Allah bi ghayri ilm ». C'est-à-dire ça c'est la règle. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit ça c'est la règle de l'égarement. C'est-à-dire de parler à propos d'Allah sans science. Qa'idatul dalal, une règle par rapport à l'égarement. Hein? Cheikh al-Fawzan, il dit qa'idatul dalal ay aslul dalal, aslul dalal al-alam. Aslul dalal al-alam wa man sha'uhu. Al-qawlu 'ala Allah bi ghayri 'ilmin. Wa al-qawlu 'ala Allah bi ghayri 'ilmin a'zamu min ash-shirk. Wa lidhalika qala Allah jalla wa 'ala قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فجعل القول على الله فوق الشرك بالله فجعل القول على الله فوق الشرك بالله فلا عز وجل فلا يجوز لأحد أن يقول على الله بغير علم كأن يقول إن الله حرم كذا أو إن الله أباح كذا أو إن الله شرع كذا وهو غير مشروع وهذا قول على الله بغير علم والعياذ بالله أو يفتي وهو لا يعلم بل يتخرص وهذا خطير جدا، وهذا كذب على الله جل وعلا. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ فلا يجوز القول على الله بلا علم. Le Cheikh il dit, ça c'est donc la règle de l'égarement. C'est-à-dire que tout égarement est basé sur cette règle. C'est ça qui égare le monde entier, et tout l'égarement est à la base, tout l'égarement part de cette erreur ou de cette règle. C'est-à-dire de parler à propos d'Allah sans science. Et tout ce qui se produit dans l'univers comme égarement, comme shirk, comme kufr, comme péché, hein, comme chose haram ou autre, yani tout ça, ça vient du fait que des gens parlent à propos d'Allah sans science. Le Cheikh dit que le fait de parler à propos d'Allah sans science, c'est plus grave que le shirk. Et on regarde, il mentionne le verset 33 dans Surat Al-A'raf, hein, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit au Muhammad, à ses hommes, إنما حرم ربي الفواحش. Mon Seigneur n'a uniquement interdit que les fawahish. الفواحش, les graves péchés. Ce qui en est apparent, tout comme ce qui en est caché. والإثم والبغي. C'est-à-dire le péché et la transgression sans droit. Hein? Le fait de la transgression et d'agir injustement envers les hommes. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. Yani de faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'associer ce dont il n'a fait descendre à son sujet aucune autorité, aucune preuve. Et ça, c'est la nature même du shirk. Parce que toute forme de shirk, hein, peu importe qu'est-ce que tu associes avec Allah, sache qu'à son sujet, il n'y aura jamais de preuve. Et il n'en a jamais eu non plus. Donc, c'est une phrase qui vient rajouter une description qui est connue d'avance. Hein. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et après avoir mentionné le shirk, après avoir interdit le shirk, il dit et de dire à propos d'Allah ce dont tu n'as aucune connaissance, selon ce dont tu ne connais rien. Et donc, c'est pour montrer que par degré, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les interdictions par degré, et il mentionne en dernier le fait de parler à propos d'Allah sans connaissance, ou de dire ce qu'on ne connaît pas. Et donc, le Cheikh, il dit, il a mentionné le fait de parler contre Allah, de parler à propos d'Allah sans connaissance, il a mentionné ça et il l'a mis au-dessus du shirk. Donc il n'est permis à personne, hein, il n'est permis à personne de parler à propos d'Allah sans connaissance. Comme par exemple de dire Allah a interdit telle chose, ou Allah a permis telle chose, ou Allah a légiféré telle chose, alors que ce n'est pas légiféré. Et ça, ça fait partie de parler à propos d'Allah sans science. Que Allah nous en préserve. Et le Cheikh il dit oh yef yufti wa huwa la ya'lam. Par exemple, quelqu'un qui fait des fatwas, il donne une fatwa et il n'a pas de science. Il fait juste essayer de deviner. Ça c'est très très dangereux. Et il faut pas s'imaginer que lorsque quelqu'un fait une fatwa, c'est uniquement quand quelqu'un répond à propos d'une question et qu'il dit voici je vous donne une fatwa, c'est pas nécessaire que quelqu'un dise textuellement ou explicitement le mot fatwa dedans, parce qu'une fatwa ça veut dire quoi? Une fatwa ça veut dire que tu informes les hommes d'un verdict d'Allah, à propos de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc du moment que tu parles de la religion d'Allah et que tu informes les hommes au sujet de quelque chose qui a rapport avec la religion d'Allah, tu as fait une fatwa. Même si tu prétends que ce n'est pas une fatwa. Ce n'est pas nécessaire que tu considères ce que tu dis comme étant une fatwa pour que ça en soit une. Alors, le fait de dire quelque chose à propos de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu dis telle chose est halal ou telle chose est haram. Hein? Ou bien quelqu'un te pose la question, tu dis ah, je pense que c'est... que c'est permis, ou je pense que c'est interdit, alors que tu ne fais pas partie des ulama et que tu n'as aucune connaissance de la religion d'Allah et tu n'as pas étudié avec les ulama, donc d'agir de cette manière et de parler de cette manière, ça c'est quelque chose de très dangereux. Et ça fait partie de mentir à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne à ce sujet-là justement les versets 32 et 33 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit 31 et 32, ou bien le verset 32 dans Sourate Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et qui est plus injuste que celui qui ment à propos d'Allah ou qui dément, hein, qui traite de mensonge la vérité alors qu'elle lui vient? Alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin, n'est-ce pas que pour les mécréants la destination sera l'enfer, hein, sera leur refuge? Donc ça c'est une menace pour ces gens-là qui rejettent la vérité, ou bien qui traitent la vérité de mensonge, hein, ou qui traitent la vérité de mensonge, donc qui, ou qui mentent à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit ensuite: wa rasul sallallahu alayhi wa sallam idha su'ila an shay'in lam ينزل عليه فيه وحي يؤجل الإجابة حتى ينزل عليه الوحي من الله عز وجل فكيف بغيره والعالم يعني يخفى عليه أشياء كثيرة فإذا لم يكن عنده وضوح في المسألة ودليل من الكتاب والسنة فقل لا أدري. فقل لا أدري. إذا لم يكن عندك وضوح في المسألة ودليل من الكتاب والسنة فقل لا أدري. ولا ينقص هذا من علمك وقدرك، بل يزيد هذا من قدرك عند الله سبحانه وتعالى. فقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن 40 مسألة فأجاب عن بعضها وقال عن أكثرها لا أدري. قال له السائل: أنا جئتك من بلاد بعيدة وتحملت سفرا وتقول لا أدري؟ فقال له الإمام مالك: اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه وقل للناس: سألت مالكا وقال لي لا أدري وقال لا أدري. وهكذا أهل العلم وأهل الخشية من الله عز وجل. الشيخ الزكي المساجد الله صلى الله عليه وسلم lorsqu'il était questionné au sujet de quelque chose et qu'il n'avait pas reçu de révélation à son sujet, il attendait la révélation avant de répondre. Hein? Il attendait la révélation d'Allah avant de répondre à la question. Alors, que dire des autres qui sont moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui viennent après, hein? Et il dit, le cheikh, il dit que le savant dans l'islam, il y a beaucoup de choses qui peuvent lui échapper de la science, hein? Donc si il y a quelque chose, une question quelconque au sujet de laquelle tu n'as pas une compréhension complète ou claire, la question n'est pas claire à tes yeux ou dans ton esprit, et que tu n'as pas de preuves dans le Coran et dans la Sunna, alors dis: je ne sais pas. Hein? La adri. Et ça ne diminue rien de ta science ni de ta capacité. Au contraire même, ça fait en sorte que ça augmente ta valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu as connu ta limite. Tu as connu ta limite. Et regardez l'imam Malik, rahimahullah. On lui a posé 40 questions et il a uniquement répondu quelques-unes d'entre ces questions-là. Et la majorité d'entre les questions, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit: je ne sais pas. La adri. Et la personne qui est venue, qui lui a posé les 40 questions, il a dit: je suis venu à toi de très très loin et j'ai fait un long voyage, très très fatigant, très difficile. Et on sait que le voyage à l'époque, c'est à dos d'âne ou bien à dos de chameau, et c'est des mois de voyage parfois quand tu viens d'un pays pour arriver à un endroit où tu sais qu'il y a un savant qui pourra répondre à tes questions, parce que parfois dans le pays dans lequel tu vis ou dans l'endroit où tu es, tu sais qu'il n'y a pas de savant, qu'il y a des savants, mais que ces savants là ne sont pas des savants qui ont une science assez grande pour répondre à certaines questions que tu as dans ta tête, dans ton cœur. Donc tu veux avoir une réponse d'un grand savant qui est reconnu, et tu t'en vas donc en voyage pour avoir ses réponses. Et une fois arrivé là-bas, tu poses tes questions. Comme cet homme qui est venu voir l'imam Malik ibn Anas, l'imam Udar al-Hijra, hein, rahimahullah, il a dit, j'ai fait un long voyage, hein, et tu me réponds et tu me dis, je ne sais pas. Alors l'imam Malik lui a répondu, et lui a dit, prends ta monture et retourne d'où tu viens, va dans ton pays et dis aux gens qui sont là-bas que tu as posé la question à Malik et que Malik a dit, je ne sais pas. Hein? Et donc ça c'est l'attitude du vrai savant, du alim. Hein? Aujourd'hui, il y a des gens, quand on leur pose des questions, il faut les gens pensent qu'il faut qu'ils répondent à toutes les questions que tu leur poses. Ils veulent que tu répondes à toutes leurs questions. Alors que l'imam Malik, imaginez, cet homme-là vient de loin, il a fait des voyages longs. Est-ce que l'imam Malik, rahimahullah, allait inventer une réponse de lui-même pour faire plaisir à ce questionneur et pour que ce questionneur retourne dans son pays content et que les gens vont demander à cette personne. Et puis, qu'est-ce que l'imam Malik a répondu? Il va dire, ah voici, il a répondu à toutes mes questions pour que les gens soient contents. Non. Parce que l'imam Malik, il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme tous les grands ulama de l'islam. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas répondu. Parce qu'il n'avait pas de science sur ces questions-là. Alors, il a dit, la adri, je ne sais pas. Hein? Et donc, il n'a pas craint, il n'a pas eu peur de ce que les gens allaient penser. Et aujourd'hui, Allah al-Musta'an, beaucoup de gens, ils ont peur de ce que les gens vont penser d'eux s'ils ne répondent pas aux questions des gens. Si je ne réponds pas à ce que les gens m'ont demandé comme question, les gens vont dire que je n'ai pas d'ilm, les gens vont dire que je n'ai pas de science, les gens vont dire que je suis ignorant. Et alors, au moins, tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection et tu seras en paix. Parce que tu n'auras pas menti à propos de sa religion et tu n'auras pas dit des choses que tu n'as pas de, au sujet desquelles tu n'as pas de connaissance. Mais tu seras épargné de la fitna de cette réponse au jour de la résurrection. Donc crains Allah subhanahu wa ta'ala et rappelle-toi de cet exemple de l'imam Malik. Il y a un des imams parmi les imams des salafs qui a dit, si vous voyez quelqu'un à qui on lui pose des questions et qu'il répond à toutes les questions qu'on lui pose, sachez que cet individu-là est un fou. Sachez que cet individu-là est un fou. Et donc ça, c'est l'exemple qu'on donne aujourd'hui à certains individus. On leur pose n'importe quelle question et ils répondent à toutes les questions. Alors que des grands ulama, si on leur posait les mêmes questions, ils auraient peur de répondre à certaines d'entre ces questions-là. Hein? Donc il faut faire attention, il faut faire très attention dans ce genre de choses. Et donc, le cheikh il dit, l'imam Malik il a répondu, il a dit, retourne de là où tu viens et dis-leur, l'imam Malik ne sait pas. Et ça c'est une leçon aujourd'hui pour nous. C'est une leçon aujourd'hui pour nous parce que on n'a pas compris l'islam. On n'a pas compris l'islam correctement, surtout nous qui vivons en Occident. On pense qu'il faut que quelqu'un réponde à toutes nos questions. Hein? Et on s'imagine que le savant, il a la réponse à tout, non? C'est possible qu'un savant, parmi les ulama, on lui pose une question, il ne sache pas la réponse. Hein? Donc ça c'est comme le cheikh dit, وَهَكَذَا أَهْلُ الْعِلْمِ وَأَهْلُ الْخَشْيَا مِنَ اللَّهِ. Les hommes de science et les hommes qui ont la crainte en Allah, ils ne vont pas répondre lorsqu'ils n'ont pas de science. وحتى في التأليف فإن الإنسان لا يؤلف وهو ليس عنده أهلية للتأليف فليتنا سلمنا من كثير من المؤلفات والرسائل ولم تبق لنا إلا الكتب الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة والمشكل أن هذه الكتب والرسائل ستبقى وتضلل أجيالا بعدك وتكون أنت المسؤول عنها الإنسان يتقي الله في فتواه وفي كتابه وفي كلامه وفي حديثه وفي محاضراته فلا يقول إلا ما يغلب على ظنه أنه صواب وأنه موافق موافق الكتاب والسنة. Le cheikh il dit même dans l'écriture, le fait d'écrire, quelqu'un lorsqu'il écrit, il ne doit pas écrire sauf s'il a la capacité et l'aptitude qui lui permet d'écrire. Et il dit, si seulement on pouvait être épargné de plusieurs d'entre les livres et les rasa'il qui sont publiés aujourd'hui ou écrits aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entre ces livres qui sont écrits aujourd'hui qui ne sont pas corrects. Il dit, si seulement on pouvait être épargné de beaucoup d'entre ces livres, et qu'on ne garderait que les livres qui sont corrects et qui sont en accord avec le Coran et la Sunna. Donc c'est ce qu'on devrait faire. On devrait uniquement garder les livres qui sont bons, qui sont en accord avec le Coran et la Sunna, et se débarrasser des autres. Le problème, le cheikh dit, le problème c'est que tous ces livres qui sont écrits, dans lesquels il y a des choses contraires au Coran et à la Sunna, ils restent et ils vont égarer pendant des générations des gens qui vont venir par la suite. Donc toi tu écris un livre, alors tu dois savoir que tu auras une part de la responsabilité de ce que tu as écrit s'il y a dans ton livre des causes d'égarement ou des choses de ce genre. Donc toi tu ne veux pas prendre la responsabilité de ça, alors évite ce genre de choses. Et le cheikh il dit donc, un individu doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il donne comme fatwa, ou dans ce qu'il écrit, ou dans ses paroles, ou bien dans ses conférences, ou dans ses discours, ainsi de suite. Donc il ne doit dire que ce, au sujet de, il doit dire uniquement les choses qu'il a comme, disons que, il considère que ces choses-là sont qu'est-ce qui est correct, et ça c'est ce qu'il croit, et c'est ce qui est plus proche de ce qui est vrai et correct selon lui, c'est-à-dire selon le plus proche de ce qui est près de la vérité et qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Donc tu prends uniquement les choses au sujet desquelles t'es certain, t'as pas de doute que ces choses-là sont correctes et que ces choses-là sont en accord avec le Coran et avec la Sunna. Ça tu le dis et tu l'enseignes et tu l'expliques dans tes cours, dans tes paroles, dans tes conférences, ainsi de suite, ou dans ce que tu écris. Les choses au sujet desquelles tu as des doutes, les choses au sujet desquelles c'est pas clair pour toi, les choses au sujet desquelles il y a des ambiguïtés ou autres, ça tu les laisses de côté, et tu n'embarques pas dans ces choses-là. Et si les gens se limitaient à ça, alhamdoulillah, rabbil alamin, on serait épargné de beaucoup de problèmes et de beaucoup d'égarements. Malheureusement, les gens, ils écrivent, les gens, ils parlent à propos d'Allah, à propos de la religion, et ils ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils écrivent. Et donc, à cause de ça, ils font beaucoup de tort à eux-mêmes et aux autres. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et je pensais qu'on allait être capable de terminer les chapitres qui restent aujourd'hui, mais comme je viens de le constater, là ce ne sera pas possible. Donc on sera obligé de terminer le livre demain, Inch'Allah, puisqu'il reste encore plusieurs points à clarifier avant la fin du livre. On a terminé le point numéro 15 maintenant, il reste le point jusqu'à 128. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, on continue Inch'Allah demain, et puis la semaine prochaine on expliquera l'Athar de l'imam Ibn Sirin à propos du ilm et de qui on doit prendre le ilm. Donc je m'arrête ici maintenant, puis à demain Inch'Allah, à la même heure. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.